好的， 好啊，啊啊啊！啊啊啊！ 好的， 啊啊。 Drop out, j'y crois que oh, jet. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à expliquer l'inexplicable, s'engouffrant dans des raisonnements inextricables, parvenant à justifier l'injustifiable. Pourfendeur dans notre genre, non ni dieu ni maître ni diable. C'est peu perspicace, mais je lâche les douilles. Les monothéistes nous cassent les couilles. Et ça, ça, c'est vérifiable. Y'a pas que la liste des événements récents qui me fait dire ça. On suisse vous si vous vous sentez visé. Mais laissez-nous retourner à l'état de non-évangélisé. De toute façon, dans tous les cas, on se foutra sur la gueule. Ça, c'est l'unité dans vos foutus prophètes. Nous ont vanté l'idée. Sans hésiter, une seconde. On en a rien à secouer, nous on sort de scène, on est plus de ce monde. Mais si, je respecte les choix de chacun. Mais je me disais qu'un petit pamphlet qui a décoré, ça ferait joli sous le sapin. Je dépeins un truc en noir et blanc, c'est beau. Je pense que pour une seule entité, oui, cinq continents c'est trop. Pas plus de châtiment divin que de paradis. Paradis, j'embosse le rôle de mécréant. C'est drôle mais je n'ai pas de rêve, pas de rêve. Seulement des plans d'action. Pas le temps de m'appuyer sur les parois poreuses des lamentations. Pas besoin de résolution coercitive. Je suis un grand garçon, merci petit. Zéro credo dogmatique. Limite, nihilisme en pratique. C'est faux. Zéro credo dogmatique. Ego, somme, limite, nihilisme en pratique. C'est faux. Ah. Zéro credo dogmatique. Yeah. C'est faux. Zéro credo dogmatique. Ego, somme, limite, nihilisme en pratique. Fatigue, c'est trop. Dogmatique, limite.